Chapitre 5 Où le torchon brûle. Le notaire dormit mal la nuit qui suivit le repas où le mercier lui avait appris ce que personne n'ignorait, les amours de Jeanne et du galopin au bonnet phrygien. Mignet est une mauvaise langue, songeait-il. Jeanne même, et cependant. Aussi, dès le jour levé, Desnoux était hors du lit. Sa femme se réveilla. Où vas-tu? Il n'est que 4 heures. Je suis un peu fiévreux ce matin. Je vais aller faire un petit tour pour prendre l'air. Je ne serai pas longtemps. » Et il partit. Au risque de se compromettre, n'y pouvant tenir, il alla frapper à la porte de la petite maison que Jeanne habitait avec son père. La maison était à plus de 50 mètres de la dernière du bourg. Il n'y avait personne sur la route. Il était entré sans être vu. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria Jeanne, qui lui avait ouvert la porte. « Rien, répliqua le notaire. Ton père ne peut pas nous entendre ?» « Non, il est à l'étage au-dessus. Qu'est-ce que tu veux ?» Jeanne était en chemise, nus bras, jambes nues, et ses cheveux châtains, un peu courts, lui pendaient sur le dos. Le notaire la regarda avec une fureur dans les yeux. Il ouvrit la bouche pour l'interroger, mais lui prenant les mains, il l'embrassa à pleine bouche et l'attira vers lui. Il rageait au fond de voir combien cette femme le tenait. Il était venu avec l'intention de faire une scène, et à peine arrivé... « Si c'est pour cela que tu es venu, dit Jeanne, c'est bien gentil. Mais tu avais l'air furieux en entrant. »« Oui, et je l'étais. Tu ne sais pas ce qu'on m'a dit hier. Eh bien, on m'a affirmé que... » Il allait parler du petit Laplace, mais il n'osait plus. Une idée lui vint. « On m'a affirmé que c'est toi qui as le pantalon de ma femme. » Jeanne se mit à rire aux éclats. « Ah, c'est très drôle, laisse-moi rire. C'est pour cela que tu es venu? C'est pour cela que tu étais furieux? Ha ha !» Et dans un rire, elle alla s'affaler sur une chaise. Desnoux s'approcha d'elle. « Eh bien oui, je l'ai. Veux-tu voir comment il me va ?» Elle partit en courant et monta l'escalier, laissant Desnoux fort étonné et devenu songeur. Si ce que Mignot avait dit pour le pantalon était vrai, il était certain que le petit Laplace... Jeanne redescendit bientôt. Elle avait mis le pantalon, un peu étroit pour elle, qui dessinait les formes épaisses. Et comme elle continuait de rire, Desnoux la regardait abrutie. « Est-ce qu'il me va aussi bien qu'à ta femme ?» Jeanne s'approcha de lui et l'embrassa. « Tu es furieux ? Ce n'est pas un bien grand mal. J'ai eu envie du pantalon, je l'ai pris. Mais si tu veux, je le remettrai dans le linge, sans que ta femme s'en aperçoive. Je n'y tiens pas, au fond. Veux-tu, dis ? Oh, tu peux le garder, il te va bien. » Desnoux ne s'inquiétait guère du pantalon. « Eh bien non, dit-il brusquement. Ce n'est pas pour le pantalon que je suis venu. On m'a dit que l'on t'avait vu te promenant avec le petit Laplace, un garnement. » Jeanne pâlit. « C'est trop fort, on t'a dit ça ?»« On me l'a dit, et c'est vrai. » »« On en a menti, es-tu bête, un gamin comme celui-là ? Je serai sa mère. Si tu croises ça, par exemple, tu peux t'en aller. Tiens, rentre chez toi et reporte le pantalon à ta femme, c'est fini. » Et Jeanne retira le pantalon. Devant cette indignation, le notaire sentit ses doutes s'évanouir, et en l'embrassant, « Non, je suis fou, mais je t'aime tant. » Ce fut Jeanne qui lui fit remarquer que s'il ne voulait pas être vu des passants, il ferait bien de ne pas tarder. Et le notaire, un peu rouge, rajeuni et joyeux, sortit sur la route déserte où les oiseaux chantaient dans les haies mouillées. Il n'avait pas fait 100 pas que Jeanne, qui était restée debout derrière la porte entrebâillée, poussa le verrou et du bas de l'escalier appela « Georges, descends !» C'était le petit Laplace qui vint tout habillé. « Ah, tu t'es habillé ? Tu as bien fait. Il est temps que tu décampes, et promptement. Pourquoi ça ? Ça ne te regarde pas, mais tu ne reviendras plus ici. » Il regardait avec 2 grands yeux étonnés et pleins de larmes la fille qui l'avait ensorcelée. « Vrai ? Et pourquoi cela ? Je t'ai déjà dit que tu ne le seras pas. Tu n'as pas vu avec qui je parlais ? Non, tu me l'avais défendu. » Jeanne respira. Elle craignait que le gamin n'eût surpris ses amours avec le notaire. « C'est bien, je t'aime beaucoup. Mais tu ne reviendras plus. Tu as de beaux yeux qui pleurent bien. Mais si je revois ces beaux yeux-là, je ferai une jolie bêtise. » « Alors, dit le petit Laplace, c'est fini ?»« Oui, et elle lui ouvrait la porte. » « Eh bien, tu verras. » Et il partit. Jeanne regarda l'heure au coucou. « Je vais faire la soupe à papa, dit-elle. »